Leçon 3. Exercice 16. Voici le verbe. Donnez le nom. Exemple. Influencer. L'influence. À vous. Transmettre. La transmission. Hériter. L'héritage. Orienter. L'orientation. Opter. L'option. Atteindre. Le but.